par des brûlures au pétrole ou à l'aide de la pierre infernale, on marbrait la poitrine de la patiente, ses deux bras et une jambe, toujours la même, celle qu'elle déchaussait à la demande du public et moyennant un petit supplément, et le tour était joué. Il ne restait qu'à remaquiller la pauvre fille aux mêmes endroits et tous les deux jours. Pour les femmes colosses, elle avait inventé tout un système de mollets élastiques, de chaises très hautes, de tabourets dissimulés sous des tapis, ce qui donnait une apparence de géante aux femmes vêtues de longues robes, traînantes et rembourrées, et assises sur une estrade élevée, entourées de glace de tous côtés, les sujets fussent-ils de taille moyenne. Elle maintenait tout son monde sous une discipline très dure. Le personnel entier, parqué dans deux voitures transformées en dortoirs, était soumis à une surveillance sévère, défense d'en sortir sans une permission spéciale. Le salaire était unique pour toutes, la nourriture est 3 francs par jour. Le rouleau, autrement dit la quête obligatoire à chaque séance, était un des bénéfices de la direction. Quant aux avantages extérieurs que ces pensionnaires pouvaient tirer de leur exhibition, Louise Tabary, qui servait ainsi que Boyau Rouge d'intermédiaire officieux, était seul juge de la suite qu'il convenait de donner aux propositions. Cette ingérence dans les affaires privées de ses élèves, loin de nuire à celle qui en était l'objet, était au contraire une sauvegarde pour elle, et au bout de quelques années d'exercice, l'on citait telles horizontales de grandes marques qui avaient débuté dans l'entresort des Tabary et qui ne devaient leur situation qu'au conseil de Louise. Aussi, tout en sachant très bien que celle-ci avait dû en retirer un bénéfice, lui savait-elle néanmoins gré de son intervention. Dans ces conditions et pendant les premiers temps, le recrutement fut facile. Louise Tabary n'avait que le choix parmi les nombreux sujets qui se présentaient. Puis, peu à peu, l'engouement passa. Les anciennes pensionnaires, rebutées par les exigences croissantes de la patronne, dégoûtaient les nouvelles venues d'un métier aussi dur et dans lequel, à tout prendre, les occasions vraiment avantageuses étaient rares. Louise, que l'âge était loin d'avoir fatiguée, sachant fort bien se réserver les aubaines. Les bruyants dont elle constellait son maillot chaque fois qu'elle entrait en parade, disaient les envieuses, avaient été acquis la plupart du temps au détriment des pensionnaires, plus jeunes et souvent plus jolies. C'était le diable, pour les gens bien intentionnés, de parvenir jusqu'à elle. Il fallait franchir la double barrière élevée entre le public et l'estrade, par la patronne et son fidèle Boyau Rouge, un gaillard qui veillait au grain et dont les intérêts, ajoutaient les mauvaises langues, se confondaient décidément trop, en dépit du mari avec ceux de Louise Tabary. Mais tous ces bavardages qui parvenaient de loin en loin aux oreilles de l'intéressé ne parvenaient pas à altérer sa sérénité. Elle était sûre de son affaire maintenant. Chaque jour, elle voyait son magot s'arrondir. Que lui importait le reste? Elle se contentait seulement de tenir à l'œil les mécontentes et à la première incartade, elle les jetait dehors, sachant toujours profiter du moment où leur renvoi mettait les récalcitrantes dans le plus grand embarras. Puis, par un discours bien senti, elle prévenait charitablement celle qui était tentée de suivre un si déplorable exemple. « Je vous avertis qu'avec moi, il y a tout à gagner ou tout à perdre. Choisissez. Je veux de la soumission. Sinon, je colle à la porte la première qui rebiffe, le cul tout nu et les manches pareilles. J'ai commencé comme vous, et je ne m'en porte pas plus mal. Seulement, j'ai toujours été sérieuse. Faites comme moi, si vous voulez que nous restions bonnes camarades. Vous avez plus besoin de moi que je n'ai besoin de vous. » Et elle disait vrai. Même lorsqu'il y avait sur tout le voyage pénurie de sujets dans les entresorts, elle trouvait le moyen de renouveler sa troupe quand il le fallait. Elle partait un matin, explorait les murailles des quartiers commerçants et consultait les petites affiches faites à la main, sur papier écolier et collées à hauteur d'homme à tous les angles de rue. C'étaient des offres d'emploi. On demande des culottières, des finisseuses de chaussures, etc., ou des demandes d'ouvrage. Une jeune fille connaissant bien la couture demande à entrer au père, s'adresser à Mademoiselle X, rue, numéro, etc., toujours invariablement ornée d'un timbre de quittance de 10 centimes. Des offres d'emploi, Louise Tabary n'avait cure, mais elle relevait soigneusement les adresses et se rendait immédiatement au domicile de celle qui demandait de l'ouvrage. C'était la plupart du temps de pauvres filles, pressées par le besoin, tentant un dernier effort avant de succomber, et qu'un reste de dignité avait préservé jusque-là de l'irrémédiable chute. Elle se présentait pour offrir, disait-elle, un travail facile, qui ne demandait que de la bonne volonté et un peu d'intelligence, sans toutefois s'expliquer davantage. Si la personne était vieille ou difforme, ou seulement l'aide, après un bref interrogatoire et quelques phrases banales d'excuses, elle se retirait. « Décidément, non, à mon grand regret. Vous ne pouvez convenir pour l'emploi que j'aurais désiré vous confier. Je vous demande pardon. Ce sera pour une autre fois. » Si elle était jolie, bien faite, Louise Tabary appréciait d'un coup d'œil le dénuement probable dans lequel devait se trouver la pauvre fille, et aussitôt commençait son boniment. Mon Dieu, elle n'était ni couturière, ni blanchisseuse, ni culottière, mais elle était à la tête d'une maison prospère, comptant beaucoup d'employés, qu'elle traitait comme ses enfants. Chez elle, on retrouvait une famille, et c'était vraiment une chance, pour une jeune personne comme il faut, et qui veut gagner honnêtement sa vie, de tomber sur une femme comme elle. « Voyez, mon enfant, quels avantages je vais vous offrir. Vous serez logé, vêtu, nourri. Vous n'aurez que peu de choses à faire. Cela vous va-t-il ? Mais encore, faudrait-il savoir ? C'est bien simple. Je suis à la tête d'un établissement très important, d'un théâtre ambulant, et j'ai besoin pour mon contrôle de jeunes personnes avenantes et sûres. Des caissières, enfin. 4 heures d'un travail où vous n'aurez qu'à sourire et à être poli avec le public. Cela vous sera facile. Remarquez bien que si cela ne vous convenait pas, je ne vous retiendrai pas de force, mais il ne coûte rien d'essayer. » 9 fois sur 10, alléchée par les promesses et le ton maternel de Louise Tabary, la jeune fille acceptait. Pendant les premiers jours, en effet, l'associé de Boyer-Rouge faisait tenir le contrôle à la nouvelle venue. Puis, lorsque celle-ci était un peu apprivoisée, lorsqu'elle paraissait habituée à ce nouveau genre de vie, la patronne revenait à la charge. Il était vraiment déplorable de voir une aussi jolie fille se contenter d'un gain aussi dérisoire, quand d'autres qui ne la valaient pas paradaient sur l'estrade, réalisant des bénéfices qu'elle n'atteindrait jamais dans son emploi. Justement, elle avait dans sa troupe une place vacante. « Vous n'avez pas à vous inquiéter du costume ni du linge. Je vous fournirai tout, à crédit. Si vous restez à la maison, tout ce qui vous aura servi vous sera acquis sans que vous ayez bourse à délier. » La caissière, qui parfois avait regardé avec envie ses compagnes plus favorisées, ornées de ripos éclatants, tentait l'expérience, et la baraque s'augmentait d'une pensionnaire régulière de plus. Louise Tabary comptait justement sur l'influence du milieu, les liaisons nouvelles pour abolir chez la jeune fille les derniers préjugés, et insensiblement, elle la faisait rentrer sous la règle commune. Au bout de quelques années de cette exploitation raisonnée, elle trouva dans son fils Jean un nouvel auxiliaire. Aussitôt après son mariage avec Tabary, qui de bois en bois devenait plus gâteux, elle avait retiré de nourrice son enfant et l'avait gardé avec elle jusqu'à l'âge de 10 ans. Elle l'avait ensuite placé en pension, mais bientôt le gamin avait déclaré qu'il entendait rester avec sa mère, et cette femme autoritaire, brutale jusqu'à la cruauté, ne s'était pas sentie la force d'imposer sa volonté. Elle avait une tendresse aveugle pour ce petit, qui grandissait, et à qui elle exigeait qu'on laissât une liberté entière. Aussi donnait-il un libre cours à ses mauvais instincts. Personne ne trouvait grâce devant lui, et il devint bientôt le maître absolu de l'établissement. Ça mariait aux éclats chaque fois que Jean commettait une mauvaise farce. Loin d'être à l'abri des méchancetés de son fils, le vieux Tabary devint sinon le souffre-douleur, du moins le continuel objet des tracasseries du petit tyran. Il partageait ses journées maintenant entre ses stations chez les Mastroquet et le découpage à l'aide de scies minuscules de petites planchettes, dont il confectionnait des étagères ou des coffrets. Il avait monté à cet effet un tour dans la caravane qui lui était affectée. Le plus grand plaisir de Jean était de démonter ou de briser les objets, qui avaient souvent coûté à son père de longues heures de travail. Si le vieux parlait de se plaindre, Jean prenait les devants. « Man, c'est ton sous-lot de mari qui vient encore nous embêter avec ses découpages. » Et la mère, indulgente, souriait et congédiait l'ancien photographe. « Laisse donc faire cet enfant, voyons. Il faut bien qu'il s'amuse. C'est de son âge. » Le seul qui trouva grâce devant l'affreux galopin était Boyer-Rouge, dont l'autorité d'associé et les violences qu'il lui en apposait. Il se souvenait toujours d'une correction que lui avait infligée le bonisseur, un jour qu'il avait voulu toucher à son tambour. Mais il en garda sournoisement rancune à cette espèce de géant, qui seul avait conservé quelque influence sur Louise. À mesure qu'il grandissait, la méchanceté et le cynisme de Jean s'affinaient, encouragés par l'aveuglement maternel. À 18 ans, il était réputé sur tout le voyage comme le plus fieffé garnement. Habitué de bal public, coureur de guilledoux, batailleur, débauché, joueur, il mettait toute son intelligence au service du mal. Il avait lié connaissance avec les pires individus, et il s'était formé une sorte de cour, qui l'accompagnait sans cesse, et à laquelle on pouvait toujours, sans crainte de se tromper, attribuer tous les méfaits dont les auteurs restaient inconnus. Il exerçait sur cette bande, en raison de sa situation de fortune, une influence réelle, et dont il se montrait fier. Malheur aux garçons honnêtes et imprudents qui s'aventuraient en sa société. Entraîné par l'exemple, il devenait rapidement aussi taré que ses compagnons de plaisir. C'est ce qui était arrivé à François Chausserouge, et au bout de quelques mois d'intimité, il n'avait fallu rien moins que l'énergique résolution qu'avait prise le vieux dompteur de quitter Paris pour arracher le jeune homme à cet entourage funeste. Cependant, François était de 5 ans plus vieux que le fils Tabary, mais son esprit faible et irrésolu avait vite capitulé devant le caractère allié et tout d'une pièce de son cadet. Mais là où Jean Tabary exerçait sa tyrannie avec le plus d'âpreté, c'était dans l'entresort, dont la faiblesse de sa mère l'avait rendu maître absolu. Il était positivement l'effroi de toutes les pensionnaires. Une de ces malheureuses refusait-elle d'obéir à ses caprices, repoussait-elle avec indignation ses propositions, elle était impitoyablement chassée, non sans avoir essuyé 1000 avanies préalables. Elle n'avait qu'une ressource, réclamer l'appui de Boyau Rouge, l'associé de la patronne, qui voyait de très mauvais œil l'importance croissante que prenait le jeune homme dans la maison. Boyau Rouge, depuis que l'entreprise avait réussi, était devenu un homme sérieux, et il pensait justement qu'il est aussi facile de conserver une situation acquise péniblement que de se la préparer. Il en résultait des scènes terribles entre son associé et lui, dans lesquelles il donnait libre cours à sa mauvaise humeur et à sa violence naturelle. Depuis longtemps, du reste, une certaine froideur avait remplacé l'étroite intimité qui avait régné entre lui et Louise Tabary. Honte du rôle qu'on lui faisait jouer, décidé à tout, même à rompre, s'il en était besoin, sa colère n'attendait pour éclater qu'une occasion favorable. Ce fut plutôt qu'il ne le pensait. Un jour que Jean réclamait le renvoi d'une pensionnaire qui lui avait résisté, il s'y opposa carrément. « Cette femme dont je suis très satisfait restera chez nous, et il n'y a aucune raison pour que nous nous privions de ses services, puisqu'elle était inconvenante à l'égard de mon garçon, puisque Jean le désire. « Je m'en fous !» cria Boyau Rouge. « Et d'ailleurs, elle est dans son droit, cette fille. Elle a été engagée ici pour travailler, et non pas pour servir de passe-temps à un morveux, qui aurait encore besoin d'une bonne pour le moucher. Je suis ici le maître autant que toi. Ton Jean, je lui interdis à partir d'aujourd'hui l'entrée de la caravane des femmes. Il n'a rien à y faire. Sinon, c'est moi qui le sortirai, et sans maître de mitaine. » « Jean me représente, » riposta Louise Tabary. « Il a donc les mêmes droits que moi. J'ai besoin de lui pour défendre mes intérêts. » Et moi, je suis assez de tout seul pour défendre les miens. Seulement, comme je suis trop vieux pour céder, que je ne veux pas me laisser manger la laine sur le dos par un galopin, ce sera lui qui partira, ou bien moi. Choisis. Mon fils ne me quittera pas. Eh bien, ce sera moi. D'après notre traité, nos parts sont égales. La liquidation sera donc bien simple, la moitié du tout pour chacun de nous. Joseph, tu n'y penses pas. Nous quitter après 15 ans d'une association si heureuse? Heureuse, c'est possible. Mais qui ne tarderait pas à devenir désastreuse si je n'étais résolu à y mettre bon ordre? Je te le répète, choisis, lui ou moi. Mon choix est fait, répliqua Louise d'un ton sec. Je n'aime que mon fils au monde. Il te gêne, je refuse de te le sacrifier. Il restera avec moi. Quant à toi, fais ce que tu voudras. C'est ton dernier mot? Oui. Eh bien, nous nous séparerons. Et nous verrons la suite quand je ne serai plus là pour réparer ces sottises. Moi, je ne suis pas inquiet. Je suis au contraire très satisfait d'une circonstance qui me permettra enfin d'être seul maître chez moi. Au revoir. » Et dès le lendemain, les deux associés procédaient à la liquidation générale de l'établissement. Le partage des fonds amassés en commun fut facile, Boyau Rouge ayant exigé depuis longtemps qu'ils fussent convertis en valeur. Quant au matériel, on s'en rapporta à l'estimation d'un voyageur, choisi comme arbitre, pour éviter les frais. Restait à régler la question du personnel. Mais une première désillusion attendait là Louise Tabary. Les engagements contractés par la société Tabary de Bûcher étaient résiliés de droit. On mit les pensionnaires libres désormais en demeure de choisir entre les deux associés. Pas une d'elles ne voulut rester chez les Tabary. Toutes optèrent en faveur de Boyau Rouge, qui se vit ainsi à la tête d'un établissement prêt à fonctionner, tandis que Jean et sa mère avaient resté seuls tout un personnel à reconstituer. Pour la première fois, Louise, qui sentait ses intérêts gravement atteints, s'emporta contre son fils. « C'est par ta faute, entends-tu, que tout cela nous arrive. Voilà maintenant nos ressources diminuées de moitié, et tout est à recommencer. » Pendant ce temps, Boyau Rouge va continuer seul, un autre nez, un autre barbe. Et Dieu sait si jamais nous parviendrons à former une troupe semblable à celle que nous perdons. C'est bien fait pour moi, ça m'apprendra à être faible. » Tu as tort, man, répliqua Jean en câlinant sa mère. Ne crains rien, va. Tu ne te repentiras pas de ce que tu viens de faire. C'était un coup de balai nécessaire. Il y avait trop longtemps que ce boyer rouge était de trop dans notre existence. Fie-toi à moi et tu verras. Les beaux jours reviendront. Nous retrouverons notre succès et nous serons seuls à en profiter. C'était pour toi et non pour lui qu'on venait. Le père Tabary apprit cette scission sans étonnement. Néanmoins, il voulut demander une explication. « Toi, tu vas te taire, dit Jean. Tu n'es bon à rien. On te donne à manger, à boire, du bois pour tes découpages, et bien fous-nous la paix. » Et le pauvre vieux, à demi-gâteux, se tut, n'osant répliquer. Il avait peur de son fils. Jean se mit en campagne. Quelques jours après, il avait racolé çà et là, dans les quartiers populeux, dans les balles de barrière, un premier noyau de pensionnaires, qu'il costuma en mauresque, et à qui sa mère donna les premières notions du métier. Il se procura aussi deux phénomènes, une femme géante et une naine. Mais cela ne suffisait pas, et combien paraissait mesquine cette nouvelle installation en comparaison de l'ancienne, même en comparaison de celle de Boyau Rouge. La première campagne qu'il entreprit donna les plus mauvais résultats. Les Tabary mangeaient de l'argent. Jean ne décolérait plus, et ce qui augmentait sa rage, c'était la vue du succès de son rival, dont l'établissement ne désemplissait pas. Pour donner un appât au client, il engagea à sa mère à se départir de la sévérité qu'elle avait toujours gardée vis-à-vis de ses pensionnaires. Quand on pourrait les approcher plus librement, on viendrait plus volontiers. Mais la latitude qu'on leur laissa ne tarda pas à dégénérer en licence. De véritables scènes de débauche se passaient dans l'entresort, et la police en eut vent. Deux avertissements n'ayant pas suffi, le commissaire du quartier sur lequel l'entresort était installé fit une descente. Le magistrat ayant trouvé, au cours de sa visite, deux pensionnaires mineurs, prévint Louise Tabary que la préfecture n'autorisait l'exhibition que de jeunes filles ayant 21 ans accomplis et qu'en cas de contravention à cet article du règlement, son établissement serait immédiatement fermé. De même, si le bruit du moindre scandale venait à la connaissance de l'administration. « C'est idiot !» déclara Louise Tabary quand le commissaire fut parti. « Avec cela que j'avais 21 ans quand je suis monté la première fois sur l'estrade. » Et je ne m'en porte pas plus mal pour cela. C'est-à-dire, grogna Jean, qu'avec toutes ces exigences, il n'y a plus de commerce possible. Il fallut néanmoins faire contre mauvaise fortune bon cœur, se conformer aux volontés de la préfecture. Les Tabary apportèrent la plus extrême prudence dans l'exercice de leur petite industrie. Mais s'ils parvinrent à apaiser les justes susceptibilités des autorités, par qui ils se savaient surveiller, ils découragèrent leur clientèle, par l'excès de précautions qu'ils se sentaient obligés de prendre. C'est ainsi que de jour en jour, et tandis que l'entresort de Boyau Rouge continuait à prospérer, leur établissement perdit sa vogue ancienne. Les frais dépassaient les recettes. Chaque mois se soldait en perte, et pour faire face aux dépenses, Louise se vit forcée d'attaquer le fonds de réserve. Pour comble de malheur, Charles Tabary devint ataxique et complètement gâteux. Son état nécessitait des soins particuliers, qu'il fut bientôt impossible de lui donner. Louise Tabary, d'accord avec son fils, se décida à placer son mari en pension dans une maison de refuge. C'était une charge de plus ajoutée aux autres, mais elle ne regrettait pas, disait-elle, ce surcroît de dépenses. On se devait à sa famille. Tel n'était pas l'avis de Jean, qui lui exprima cyniquement sa pensée. « Comme si, déclara-t-il, en revenant de conduire son père à l'hospice, il n'aurait pas mieux fait de crever tout de suite. Au moins, comme cela, nous aurions été débarrassés. »« Tais-toi, fils, tais-toi !» répliqua la mère. « Ne regrette rien, va. » Le pauvre cher homme n'est pas bien méchant, et il ne peut pas maintenant en avoir pour bien longtemps. Quant à nous maintenant, il faut voir à nous débrouiller. L'entresort traversait cette phase critique, et les Tabary n'avaient trouvé aucun moyen d'améliorer une situation qui semblait à beaucoup, sinon désespérée, du moins fort compromise, lorsque Chausse-Rouge reparut sur le voyage. Le jour où le dompteur lui proposa d'entrer à son service, Jean comprit qu'une planche de salut s'offrait à lui. François était riche. Il était faible. Il y avait là, pour le rusé coquin, un moyen de rétablir ses affaires. Il lui suffisait de prendre pied dans la maison et justement on venait lui en offrir l'occasion. Bien qu'il fût décidé à ne pas la laisser échapper, il ajourna sa réponse, prétextant qu'il devait avant tout consulter sa mère, mais dans le but réel de ne pas faire paraître un empressement qui eût pu éveiller les soupçons de son ami. « Mère, cria-t-il en rentrant dans la caravane, nous sommes sauvés. Chausse-Rouge m'offre de me prendre avec lui. » Qu'en penses-tu ? Louis Tabary regarda fixement son fils et réfléchit un instant. Quel âge a-t-il, François ? 5 ans de plus que moi. Ça lui fait 28 ans. Alors il faut accepter. Je crois bien. Je le connais comme si je l'avais fait. Une fois avec lui, je me charge du reste. Mais pourquoi me demandes-tu son âge ? Pour rien. Une idée qui me passait par la tête. Tu sais, je n'ai pas répondu oui tout de suite. Mais nous sommes invités à dîner tous les deux ce soir chez lui. Au dessert, nous arrangerons l'affaire. Très bien. En ce cas, je vais me préparer. Et lorsqu'à 6 heures du soir, Louise Tabary sortit de ses caravanes, son fils resta émerveillé. Parée de ses plus beaux habits, les poignets chargés de bracelets, coiffée avec recherche, elle paraissait de 10 ans plus jeune. « Bah tiens, ce que tu t'es fait chic. Tu te mets bien, toi, quand tu vas voir des amis. » « Il faut toujours mieux faire envie que pitié, » riposta Louise Tabary d'un ton énigmatique. « Allons, viens, mon garçon. » Jean Tabary sourit imperceptiblement. Puis il prit le bras de sa mère et tous deux s'acheminèrent vers la ménagerie Chausse-Rouge.